nous aurons Bernard Bibb qui va traiter de l'introduction d'une notice Emmanuel Lévinas dans le dictionnaire. Et ensuite Louis Pinto proposera une proposition sur l'introduction d'une notice religion intellectuelle, à laquelle répondra Vincent Delcroix, qui a également préparé un texte, enfin qui a préparé une intervention, mais je ne sais pas si on est déjà au niveau du texte écrit, on verra ça plus tard. Voilà, donc vous avez deux notices déjà, enfin vous avez déjà deux textes écrits, celui de Bernard Bibb et celui de Louis Pinto, qui vont circuler, qui vont être distribués. Voilà. Est-ce que tu souhaites... Ça peut simplement introduire Dan rapidement. Voilà. On ne se connaît d'ailleurs pas très très bien. J'ai eu la chance de connaître Dan à la Fondation Thiers, donc il est un brillant pensionnaire. Il vient de soutenir non moins brillamment un doctorat de philosophie sous la direction de Jean-Luc Marion sur Dieu et l'infini, la métaphysique de Descartes, si je ne me trompe pas. Et il avait... avec beaucoup d'enthousiasme, répondu à notre demande, même si ce n'était pas un moment terrible, il terminait sa thèse, il s'apprêtait à être papa, enfin, il s'en est sorti, je veux dire, avec plus qu'efficacité. Un grand, grand merci, Daniel. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Peut-être lire ensemble ce texte que je pourrais commenter en développant certains points, si vous avez des questions. Je voudrais commencer quand même par l'énoncé de trois problèmes, à mon avis, relativement à la question du lien qui unit Lévinas aux faits religieux. La première chose, je dirais que, en fait, la question de ce lien est l'objet de deux ou trois malentendus. Et pour autant que je connaisse les études lévinassiennes, à l'évidence, elles sont encore pour l'heure engorgés par des malentendus extrêmement pénibles, mais qui peuvent aussi être extrêmement féconds pour la pensée et pour ce qui reste à faire. Le premier malentendu, c'est le rapport entre la religion, pour le dire très, très globalement, mais vous verrez que c'est dans ces termes aussi que ça s'est posé, et la phénoménologie, c'est-à-dire le type de travail philosophique qu'a entrepris de faire Lévinas. Lévinas s'inscrivait dans un mouvement qui a été initié par Husserl, qui a été développé par Heidegger, et qui consiste à décrire les choses mêmes. Le mot d'ordre de la phénoménologie, c'est retour aux choses mêmes. Les choses mêmes sont les choses qui se voient. Les choses qui se voient sont donc les phénomènes. Un discours sur les phénomènes se nomme phénoménologie. La chose ne pose pas de problème. Sauf que on peut se demander si quelque chose comme Dieu, quelque chose comme la sainteté, quelque chose comme le divin, autrement dit, ces catégories qu'on va très facilement attribuer à la religion, on place dans une philosophie qui prétend uniquement décrire des phénomènes. Quelque chose de la sainteté, de Dieu, etc., est-il visible ? Ou alors, assiste-t-on, avec Lévinas, à un saut dans la transcendance, absolument incontrôlable, qui n'est pas du strict ressort ni de la philosophie, et sans doute encore moins de la phénoménologie ? Puisqu'à la rigueur, la philosophie peut parler de Dieu, mais la phénoménologie, devant s'en tenir à la simple description des phénomènes, ne peut pas le faire. Et c'est sur ce point que s'est cristallisé, autour des années 90, un débat très important, initié par Dominique Janicot, qui faisait un rapport sur l'état de la philosophie française, et ce rapport est devenu un pamphlet, dont vous avez sans doute entendu parler, enfin vous connaissez, qui s'appelle « Le tournant théologique de la phénoménologie française ». En substance, Janicot disait, 61 date de parution du maître-ouvrage de Merleau-Ponty, j'ai oublié le titre, mais 61 est aussi l'année de parution de Totalité et Infini. Et alors que Merleau-Ponty est relativement fidèle à la méthode phénoménologique, puisqu'il entreprend la description contrôlable toujours des phénomènes, donc de ce qui apparaît, Lévinas est à l'initiative d'un mouvement qui outrepasse toujours la méthode phénoménologique et qui, du coup, asservit en quelque sorte la phénoménologie à un projet théologique, alors dont Janicot ne soupçonne pas la bonne foi, mais en tout cas qui paraît très peu admissible en rigueur de phénoménologie. Alors, s'ensuivent évidemment les émules de Lévinas, ce que Lévinas a, dont Lévinas a fécondé la pensée, et Janicot s'attaque à Jean-Luc Marion et à Jean-Louis Chrétien, qui sont, dans le monde chrétien, des phénoménologues qui ont poursuivi le type de tournant théologique de la phénoménologie française. S'affrontent encore, même si les données de ce débat ont 20 ans et du coup sont un petit peu dépassées, on peut dire que par fatigue, les gens ont arrêté de combattre, mais on peut dire qu'en phénoménologie, il y a encore ceux qui estiment que le champ des phénomènes peut s'ouvrir à quelque chose qui a à voir avec le divin, et d'autres qui disent au contraire, le phénomène, en stricte orthodoxie husserlienne, ne peut pas se laisser décrire, comme rapporté au divin d'une quelconque manière. Ça, en quelque sorte, c'est le premier malentendu qu'il y a. Et ce premier malentendu va jusqu'à attribuer ou refuser à Lévinas la qualité de phénoménologue. Est-il théologien ou est-il phénoménologue ? Peut-on dire qu'il est théologien dans la mesure stricte où il est phénoménologue, puisqu'ayant décrit certains phénomènes, il a décrit ces phénomènes dans leur radicalité la plus grande, touchant par là aussi le divin et des choses qui pouvaient avoir à faire avec lui. Ça, c'est la première difficulté qui polarise le champ de la phénoménologie française. La deuxième difficulté, elle est, une fois qu'on a reconnu qu'il y avait quelque chose de théologique dans cette pensée, quel que soit ensuite le bien fondé qu'on accorde à cette théologie, la question est de la qualifier. Et ça, c'est le deuxième malentendu. On le sait, Lévinas était philosophe juif, très concerné par la question, directeur d'écoles juives, attaché aux institutions de l'Alliance israélite universelle, secret d'ailleurs aujourd'hui même à Paris des instituts Lévinas, des écoles Lévinas à foison à la communauté juive. Tout s'appelle Lévinas, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc Lévinas était manifestement attaché à la tradition juive, qu'il explorait à travers des études talmudiques très importantes, il se rattachait, j'en parlerai tout à l'heure, à une certaine tradition du judaïsme. Sauf que le talmudiste peut parfois, je ne dis pas ne pas y retrouver son latin, mais ne pas y retrouver son hébreu. C'est-à-dire que l'interprétation dite juive, ou en tout cas supposée, inspirée par le judaïsme dont dépend Lévinas, peut n'être pas tout à fait juive. Et un trait le montre au moins, c'est la postérité de l'œuvre de Lévinas, puisque sa postérité est, en France à tout le moins, sans doute davantage chrétienne que juive. Et les deux philosophes que je citais tout à l'heure, Jean-Luc Marion et Jean-Louis Chrétien, sont des gens qui ont radicalisé dans l'horizon chrétien assumé le geste de Lévinas. Et alors, il se crée, quand on évoque la question du rapport de Lévinas à la théologie, une bipolarité entre ceux qui voudraient l'interpréter suivant une tradition juive qu'il faut parfois quand même reconstruire et dont il faut parfois... à laquelle il faut parfois sacrifier un certain nombre de concepts qui apparaissent quand même chez Lévinas. Et ceux qui sont très contents d'y trouver un soubassement phénoménologique de concepts proprement chrétiens. J'ajoute que ce qui simplifie ou complique l'affaire, c'est que dans le cadre d'un catholicisme post-conciliaire, donc assez enclin à retrouver les origines juives du christianisme, un certain syncrétisme théologique n'est pas mal vu, dont Lévinas serait en quelque sorte responsable, il aurait montré l'extrême cohérence de tout cela. Pour vous donner une illustration très simple de ce conflit, je le détaille pas, y étant moi-même en quelque sorte jugé parti, l'un des motifs qui divise aujourd'hui les héritiers d'Emmanuel Lévinas, le type d'interprétation théologique que l'un ou l'autre de ces deux parties propose. Les uns et les autres, si j'ose dire, s'entre-anathémisent, certains disant « vous christianisez Lévinas », d'autres disant « vous refusez de voir ce qu'il y a de chrétien chez Lévinas ». Donc, vous voyez, Le premier dénivelé, c'était phénoménologie, théologie. Le second dénivelé, c'est de savoir théologie juive ou théologie chrétienne. Je vais rajouter un troisième élément pour construire un troisième malentendu. Et ce malentendu, il est de nature, je dirais, sociologique. Dans les années 80, et même après, je parle là, dans les années 80, j'étais trop petit pour en juger, mais enfin, une abondante littérature et la quelques connaissances de militantisme m'ont appris que dans les années 80 et encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, affaibli certainement, Lévinas est le prête-nom d'une certaine idéologie favorable à autrui, alors l'autre. Alors quand je dis les années 80, c'est que c'est aussi les années d'éclosion des SOS racisme. Et se sont agrégées autour du nom de Lévinas certaines valeurs dont on ne s'est jamais demandé, au fond, ce qu'elles avaient réellement à voir avec Lévinas, qui ont fait qu'aujourd'hui, ou plutôt, les choses commencent à s'amoindrir, mais le nom de Lévinas a cristallisé et a fédéré des gens extrêmement divers. Des militants SOS, des antiracistes, des juifs orthodoxes, des catholiques, non moins strictes, des athées. Je précise ici ce point, et c'est le troisième élément que je veux rajouter. Phénoménologie, théologie, théologie juive, théologie chrétienne, troisième élément, phénoménologie, théologie, et peut-être athéisme. Lévinas est celui qui arrive à penser un rapport à Dieu sur le strict mode philosophique. C'est-à-dire que le Dieu de Lévinas n'est jamais le Dieu qui vous oblige à aller à la messe ou à la synagogue. Et par conséquent, je l'ai entendu, cette phrase, je peux parfaitement être croyant ou croire en Dieu, c'est aussi se dévouer pour le prochain, etc., etc. Ce qui était extrêmement commode pour nommer divin ce qui ressortissait à l'éthique et mettre de côté ce que des traditions religieuses avaient nommé divin. Et le paradoxe, c'est maintenant le consensus extrêmement hétéroclite qui se rassemble autour de Lévinas. Et ça va, si j'ose dire, dans un spectre extrêmement large. Ceux qui, profitant du geste de Lévinas, disent au fond, tout est divin, l'éthique a rapport avec le divin. Et ceux qui disent, mais justement, si l'éthique a rapport avec le divin, la question n'est pas de ne pas aller à la synagogue, la question est justement d'y aller. Et ces lectures-là, que Lévinas, en quelque sorte, n'a pas débrouillé. Au fond, ce n'était peut-être pas son affaire. J'ajoute que Lévinas ne s'est vraiment trouvé confronté à ses interprètes que très tard. Lévinas, en 61, quand il publie et quand il soutient sa thèse Totalité et Infini, il a 56 ans. Quand il arrive professeur en Sorbonne, il a 3 ans à tirer avant de passer à la retraite. Donc c'est quand même un type qui s'est trouvé face à une célébrité finalement assez brutale et qui n'a pas eu à traiter les différentes questions que les consensus hétéroclites pouvaient avoir posées à son œuvre. Donc ça, ce sont les trois questions qui me paraissent absolument centrales, dont je ne traite pas telle quelle dans le papier. Maintenant, on peut peut-être, si vous voulez, lire le papier à la lumière de ce que j'essaye ici d'esquisser brièvement. Je parcours le texte. Le premier paragraphe est une justification par les faits d'une entrée Lévinas dans un dictionnaire dynamique des faits religieux. Justification par les faits, parce que le second paragraphe sera une justification par le droit, c'est-à-dire une justification nécessaire en rigueur de pensée, en rigueur de phénoménologie. Le premier motif est biographique, vous le savez, je l'ai rapidement dit, Lévinas est né en Lituanie, il perd toute sa famille dans la Shoah, alors ce qui lui a valu d'être, de ne pas être déporté en camp d'extermination. C'est sa nationalité française qu'il avait acquise en 1930 ou 31 et qui par conséquent avait fait de lui un soldat français. Il sera donc déporté au camp de travail. Il évoquera très peu ces années d'internement, mais on sait aujourd'hui, puisque les carnets de captivité ont été publiés il y a 3-4 ans, on sait aujourd'hui que ce sont été pour lui des années extrêmement fécondes, parce que, et c'est un paradoxe, dans ce camp de travail, il y avait une bibliothèque, et Lévinas doit toutes ses lectures, ses lectures essentielles, celles qui vont alimenter son travail philosophique, aux lectures qu'il aura faites en camp de travail, en Allemagne. Il lira absolument, il lira la prose française, il apprendra à écrire, on le voit noter des phrases de Gide pour repérer la structure grammaticale, il lit tout Dostoïevski, Shakespeare, etc., etc. Et puis, c'est pendant ces années-là que sa phénoménologie s'esquisse, se met en place. Mais enfin, il y a aussi une correspondance qui ne paraîtra pas, qui ne sera pas publiée à sa femme restée à Paris, une correspondance absolument codée, c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment de sens à être publiée, parce qu'on n'y comprend rien. Il est, de là où il est en Allemagne, très inquiet pour le sort de sa femme Raissa et sa fille Simone. Et il ne cesse de demander des nouvelles tout en disant « Moi, je vais parfaitement bien ». En fait, il ne va pas parfaitement bien, il va comme va un soldat français en prisonnier en Allemagne. Les premiers textes de Lévinas, avant même son œuvre, c'est un texte sur l'hitlérisme, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Par parenthèse, il renoncera plus tard à ce mot, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Il regrettera d'avoir nommé l'hitlérisme une philosophie. Ça n'est pas une philosophie. Et vous voyez, dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, qui est le deuxième grand ouvrage de Lévinas, daté de 74, la première page indique une dédicace aux très proches, parmi les 6 millions de juifs et tous les autres déportés victimes de la même haine, etc. Et il y a une dédicace en hébreu où il est plus explicite et où il dédie ce livre à son père et à sa mère, etc., etc. Donc c'est extrêmement touchant. À son retour dans les années 40-47, il approfondit le Talmud. Il avait été élevé dans le Talmud, mais enfin il avait un peu lâché l'affaire, si j'ose dire. Avant de la reprendre dans les années 47, il sera initié par un monsieur Chouchani. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur Chouchani. Monsieur Chouchani est un type extrêmement étrange, donc je ne peux pas vous dire autre chose que il est très étrange. Type dont on ne sait pas où il est né. On suppose qu'il est mort en Uruguay. Type qui a été le maître en Talmud de Livizel et de Lévinas, que tout le monde s'accorde à trouver absolument génial. Absolument génial. Il connaissait absolument tout en mathématiques, en physique, en astronomie, etc. Il connaissait le Talmud absolument par cœur. Sans doute de structure vaguement psychotique, absolument incontrôlable. L'homme venait sans s'annoncer, partait sans dire au revoir. Daniel Cohn-Lévinas m'a raconté que parfois, chez les Lévinas, on le croisait. Il s'installait dans une chambre, il disparaissait un beau matin sans qu'on ait de nouvelles de lui. Et personne ne savait exactement qui il était, ni d'où il venait. Personne encore ne sait quel était son véritable nom et prénom. C'est un homme extrêmement énigmatique. Ce monsieur Chouchani qui a appris à Lévinas vraiment les fondamentaux de la lecture talmudique. Deuxième point sur lequel je n'insiste pas, c'est j'ai fait l'amont de l'œuvre philosophique. L'aval, ce sont les prolongements théologiques de cette œuvre. C'est le deuxième point du premier paragraphe. Et enfin, le troisième point, c'est la constitution de cette œuvre. Cette œuvre est composée de deux pans très nets. Des textes phénoménologiques. J'ai cité Totalité et Infini, Autrement qu'être au-delà de l'essence. Des textes parfois d'une rigueur et d'une difficulté phénoménologique extrêmement grande. Et à côté de ça, des textes très proprement inscrits dans la tradition juive. Il participait au colloque des intellectuels juifs de langue française, où sa leçon talmudique était très attendue. Il était directeur d'école, il publiait dans l'Arche ou dans un certain nombre de revues juives. Des revues, je veux dire aujourd'hui, ce serait des revues comme Actualité juive ou l'Arche, etc. Donc c'est vraiment une production, si j'ose dire, confessionnelle. Il était pourtant attentif à ce que les deux ne fussent pas confondus. C'est pourquoi il a publié ses lectures talmudiques aux éditions de Minuit. Difficile liberté, qui est un recueil de textes formidables sur la lettre juive et la condition juive. C'est un texte un petit peu à part, qui a un statut juridique absolument flou. Donc on ne sait pas finalement qui a signé le contrat d'édition. Mais s'agissant des lectures talmudiques, elles sont parues aux éditions de Minuit, alors qu'il était très attentif à faire paraître ses textes de philosophie pure chez Naïof à La Haye. Et il a toujours voulu distinguer les deux champs. Et la question qui peut se poser pour nous, je l'ai déjà indiqué, elle commence à se construire, c'est de la porosité entre ces deux domaines qu'il a, lui, voulu clairement distinguer. Il me semble que cette porosité, vous m'arrêtez quand vous m'annoncez le début de la fin. Non, je suis un petit peu inquiète sur le timing de la séance. C'est simplement, c'est passionnant. Alors, parce que vous je vais. Nous avons deux interventions. D'accord. Alors, je m'accorde une phrase par paragraphe et je vais essayer de le faire très bien. Paragraphe 1. La question qui se pose de la porosité entre ces deux domaines est celle de la migration de thèses et de concepts de l'un à l'autre. Par conséquent, il pourrait y avoir une solidarité. Cette solidarité se construit, et ça c'est le paragraphe 2, dans les textes mêmes, puisque Lévinas aurait, me semble-t-il, voulu construire contre la phénoménologie de Heidegger, qui prenait appui sur le Dasein, une phénoménologie de l'être juif. Et par conséquent, l'éthique serait pensée à partir de la condition juive. Cette éthique pensée à partir de la condition juive permet d'articuler des concepts théologiques qui sont décrits dans mon troisième paragraphe, athéisme, judaïsme, christianisme. Je soulève enfin certaines questions qui me paraissent extrêmement importantes. Le judaïsme se laisse-t-il interpréter comme Lévinas l'a fait ? Le christianisme lui-même peut-il, le judaïsme peut-il rester indifférent à l'introduction en lui ou dans ses modalités d'expression de concepts ou de schèmes qui lui sont radicalement hétérogènes parce que venus du monde chrétien ? Et la question, à mon avis, la plus fondamentale, c'est Lévinas ayant voulu penser Dieu non plus comme le Dieu des philosophes et des savants, non plus comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un texte le dit très clairement, n'y a-t-il pas une hypothèque très lourde qui pèse sur cette ambition théologique, si tant est qu'elle était théologique au moment où elle était phénoménologique ? Voilà, ce sont les questions que j'ai indiquées dans mon papier, mais au fond, vous avez sans doute raison, la mise en perspective que j'ai faite au début suffit pour finalement éclairer ce que j'ai indiqué ici. Je vous remercie. Merci à vous. Je sais pas, comment procédons-nous Je sais pas, est-ce qu'on ne pourrait pas demander d'abord à Dan de répondre à sa question? Ah oui. Il est de bonne tradition de finir par une question, c'est vrai. Non, je ne vous cache pas que la chose dans mon esprit n'est pas fixée. En arrivant ici, je me posais une autre question. Hein, ça... Quelqu'un qui répond toujours à une question par une autre question. Je donne pas la suite. Lévinas a construit son travail sur l'idée que dans le rapport à autrui, quand on est en tête à tête, dans ce qu'il appelle la proximité, c'est-à-dire moi, autrui, personne d'autre. Autrui m'apparaît dans sa hauteur, etc., etc. Bon, des descriptions qui sont bien connues, et le visage d'autrui m'impose une responsabilité infinie qui va jusqu'au dépouillement de tout ce que j'ai, y compris de ce que je n'ai pas, je dois tout donner. C'est le moment que Lévinas qualifie de juif dans sa pensée, de biblique. Et il ajoute, le problème c'est que dans le visage de l'autre, il y a tous les autres que l'autre qui sont là. Qui sont les autres que l'autre ? Les autres que l'autre, c'est tous les autres gens que je risque de léser si je donne tout ce que j'ai à celui qui est en face de moi. Parce que derrière, sur les côtés, il y a d'autres gens. Si, par exemple, je donne tout à ma femme, mais que reste-t-il à mon enfant ? Si je donne tout à autrui, que reste-t-il à tous les autrui qui, eux, attendent aussi mon dépouillement ? Et Lévinas dit, il faut ici réintroduire de la mesure dans la responsabilité infinie. Vous voyez, c'est la responsabilité qui est d'abord infinie et qui doit se limiter. La politique est un second moment. La politique, c'est donc le moment de la limitation de la responsabilité, de la pondération, de l'évaluation. Et donc, on ne comprend rien à Lévinas quand on pense que Lévinas, c'est tout donner à autrui, se sacrifier, etc., etc. Vous voyez ? On ne comprend rien à Lévinas quand on dit « Lévinas consiste à tout donner ». La philosophie de Lévinas, c'est « je donne tout à autrui ». Parce que si je donne tout à autrui, je laisse tous les autres. Et cette dimension de justice, Lévinas l'appelle dimension grecque. Dimension de la mesure. La mesure, chez Lévinas, c'est grec. Alors moi, je pose une question. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il interprète ce dépouillement absolu en faveur de l'autre comme juif et la justice comme grec. Eh bien, moi, j'aurais interprété ce qu'il nomme juif, chrétien, et ce qu'il nomme grec, juif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un petit peu rapport au Talmud, on voit bien que ce dont il est question, ce n'est jamais, jamais, de dépouillement infini pour autrui. Ce n'est jamais de tout donner, il n'y a jamais d'esprit, si j'ose dire, sacrificiel dans la sagesse juive. Or, c'est bien ce qu'il décrit, cet esprit sacrificiel, dans le moment de la proximité, et qu'il nomme juif. Et paradoxalement, ce qui constitue le judaïsme, à savoir la justice, je vous rappelle que dans le Talmud, la première obligation quand on fonde une ville, c'est de fonder un tribunal. Le Talmud est un code de loi, enfin je veux dire, pour finalité d'établir un code de loi. Et cette dimension de justice, Lévinas ne l'appelle pas juive, mais l'appelle grec. Le problème, c'est le moment chrétien qui est insituable. Du coup, dans la proximité, le moment de la proximité qui va jusqu'à la substitution et puis la dimension du politique, donc la dimension juive et la dimension grecque, l'élément insituable, c'est l'élément chrétien qui se balade en quelque sorte et qui trouve à se poser où l'interprète voudra bien. Ce dont on doit se réjouir, en tout cas, c'est que ces questions commencent maintenant à se poser. Je veux dire, le moment est celui de la problématisation, comme dit l'autre, et non plus simplement au mot d'ordre. J'ai répondu en ne répondant pas selon la même méthode. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le rapport de Lévinas au christianisme ? Parce que cette difficulté de situer entre ces deux mots pose aussi la question de quel christianisme ? Quelles sont ses sources ? Le premier Lévinas est très anti-chrétien. Et ça, c'est une chose qui m'a surpris. Dans les carnets de captivité, vous voyez une polémique avec le christianisme. Dans les premières conférences, les conférences de 47, il n'est pas encore en possession du concept de visage, qui sera le moment où autrui perce la surface des choses qui se donnent à voir. Mais il est en possession du son. Le son. Pourquoi le son ? Précisément parce que ça ne se voit pas. Le son, il prend l'exemple d'une cloche. Une cloche qui sonne, la cloche de l'église. Il prend d'ailleurs cet exemple. La cloche qui sonne, c'est une cloche qui vient brutalement interrompre l'ordre des choses, la surface des choses, et parce que la surface des choses est globalement visible, alors que la cloche donne un son qui est audible, il y a une espèce de rupture de la phénoménalité. Et il ajoute, c'est ce que le christianisme n'a pas vu. Le christianisme ne peut pas avoir ça parce que lui, le christianisme, est soucieux du visible. Il faut que Dieu se fasse chair. Or, autrui ne se fait jamais chair. Ça m'invite au deuxième moment de ma réponse. Le visage, en effet, Lévinas y insiste, n'est pas visible. C'est pas un morceau de peau, c'est pas un morceau d'espace. Ça n'est certainement pas, précisément, un visage. Il n'y a pas de plastique. Ou alors, une plastique tellement... tellement explosive, implosive même, que on n'est plus dans le domaine de la plastique. Et pourtant, le visage se voit d'une certaine manière, parce que tout l'enjeu de Lévinas, c'est bien que ce qui ne se voit pas, se voit quand même un peu. Il y ait quelque chose qui soit à la tangence du visible et de l'invisible. Et par conséquent, dans le visage, on reconnaîtra tantôt quelque chose comme une incarnation, puisque le visage apparaît quand même depuis la hauteur, c'est-à-dire la dimension de divin à partir de laquelle autrui se révèle, etc., etc. mais en même temps un refus complet de cette incarnation. La question qu'on pourrait poser plus radicalement, si j'étais un philosophe anglo-saxon, je dirais, mais dans quelle mesure l'accord entre des contradictions n'est pas simplement le fait de phrases ? On peut écrire, on peut prétendre d'écrire, alors qu'en fait on ne fait qu'ajouter des phrases qui se contredisent et puis mettent l'interprète dans l'embarras. Lévinas, ayant voulu justement décrire les confins du descriptible, est obligé là de frôler la contradiction. Ensuite, il y a en effet des concepts qu'il accepte, et ça dans ses entretiens avec Philippe Nemo qui s'appelle Éthique et Infini, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est dans ces entretiens-là, Nemo lui dit, mais vous parlez de kénose, quand même, la kénose, c'est pas un concept juif. Et Lévinas dit, ben oui, mais si c'est chrétien, les chrétiens ici ont raison. Je vois un accord complet entre le judaïsme et le christianisme. Il assume cet accord. D'un autre côté, il fait une conférence, je ne pourrais plus vous dire la date, qui apparaît dans le recueil Entre nous, qui s'appelle Un Dieu homme. Point d'interrogation. Ça ressemble au titre, en fait, de l'opuscule de Saint Anselme. Bon. Je ne sais pas s'il le savait, il le savait sans doute. L'auditoire n'a pas pu le manquer, puisque l'auditoire, c'était des jésuites, un auditoire chrétien, catholique. Et Lévinas explore l'incarnation, etc., enfin toute la passion du Christ. Lévinas parle souvent de passion, avec un P majuscule. Donc il interprète à l'évidence des phénomènes dans la conceptualité chrétienne. Et Lévinas dit ce jour-là à son auditoire, oui, moi je peux parfaitement le comprendre, la passion, puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est de se sacrifier pour autrui, d'aller jusqu'à la mort, d'être responsable de la responsabilité des autres, etc. Au fond, c'est ce qu'a fait le Christ. Et là, deux lectures sont possibles. Une première lecture, c'est de dire qu'il a rendu raison, si j'ose dire, du christianisme, de la passion. Enfin, je veux dire, il a donné l'interprétation philosophique, et ce faisant, il a donc renforcé la passion du Christ. Autre lecture, qui m'a été soufflée justement par un des deux camps, un membre des deux camps opposés dans la famille Lévinas, et un des membres les plus orthodoxes, ce que me disait cet homme, autre lecture, c'est que justement Lévinas, en faisant cela, disqualifie la nécessité de la passion du Christ, historique. On n'a plus besoin de Christ. Lévinas dit, on est tous messies les uns pour les autres, puisque chacun vient se consoler, sauver l'autre. Alors la question qui se pose dans l'horizon juif, c'est de dire, si on est tous messies chacun pour les autres, il n'y a plus de messie, on n'attend plus rien. Je veux dire, c'est un rétablissement de l'eschatologie au domaine de l'éthique, et dans ce cas-là, alors il n'y a plus d'attente historique. Mais la question posée aux chrétiens, c'est de dire, mais alors, l'arrivée historique du messie, du Christ, est complètement non pertinente. Et par conséquent, ce que me disait cet homme, qui me proposait une interprétation qui est recevable, c'est que Lévinas, ce jour-là, a envoyé aux chrétiens le message « Votre croyance, votre credo n'est pas nécessaire. » Alors, voilà. Et c'est tout l'embarras dans lequel on se trouve. Et si j'ose dire, la question est de faire un choix. Alors, peut-être il faudrait construire une troisième voie. Enfin, moi, j'essaye, mais je ne vous cache pas que chaque côté me ramène à l'autre. C'est plutôt sain, c'est bien. Bon, écoutez, merci. Oui, il y a encore des... Non, je veux dire que les deux... il n'est pas certain que ce soit deux positions radicalement éloignées... Il est possible qu'elle soit elle-même dialectisée à l'intérieur de la théologie chrétienne, par exemple. Oui, mais de la théologie chrétienne, et pas de la juive. Je pense par exemple à Bonhoeffer, on est tout à fait autour des mêmes thématiques de l'autrui, qui est dans une problématique du don à autrui qui n'invalide en aucune manière la passion historique du Christ. Je suis entièrement d'accord avec vous, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que, en un sens, le monde chrétien est beaucoup plus à l'aise avec Lévinas, que les juifs. C'est évident. Les juifs qui ne cessent de se réclamer de Lévinas, s'ils allaient lire et comprendre, peut-être seraient-ils peut-être plus précautionneux, plus attentifs. En effet, le caractère synthétique, si j'ose dire, du christianisme sur ce point, peut parfaitement admettre des éléments que le judaïsme répugnera à intégrer. Il est attesté qu'il l'a intégré. C'est un certain nombre de courants dans le christianisme. Parfaitement oui, bien sûr. Bien sûr. Pratiquement dans les termes que vous avez dit. Alors, la question, enfin, moi je me demande si ça ne pourrait pas fournir l'amorce d'une réflexion, ça, on dépasse le cadre de ce séminaire sans doute, mais l'amorce d'une réflexion juive post-conciliaire, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a eu le concile, mais qu'est-ce qui s'est passé pour les juifs à partir du concile? Si j'ose dire, rien. Un grand nombre de juifs vivaient aussi bien avant qu'après. Et, bon, alors que, il n'est pas indifférent que le juif ait en face de lui un chrétien post-conciliaire ou pré-conciliaire. Et ça doit entraîner, à mon avis, une modification des schèmes de pensée juifs. Mais ça, c'est très dangereux, très audacieux. Lévinas pourrait peut-être nous y aider, avec d'autres. Peut-être même Buber, en un sens. Mais il faudrait faire très attention. Et je risque là de dire des choses qui dépassent mes moyens. Donc je m'arrête. Est-ce que ça veut dire que le monde juif a lu un Lévinas et pas l'autre? D'abord, le monde juif, si on peut dire, ceux qui ont lu Lévinas, sont, en général, lisent les lectures talmudiques. Alors, ils sont souvent... ceux qui veulent bien être honnêtes reconnaîtront que ces lectures talmudiques sont mauvaises. Parce qu'elles sont... en général, elles concourent toutes à dire la même chose, à savoir qu'autrui, l'éthique prime dans le Talmud. Si j'ose dire, n'importe quel rabbin de communauté peut faire une lecture talmudique plus compétente, plus affûtée, plus affinée que la lecture de Lévinas. Donc, ce qui est très étrange, c'est, de mon point de vue, la pauvreté des lectures talmudiques de Lévinas par rapport à leur surmédiatisation. Ça, c'est le premier point. Quant à ceux qui sont en mesure de lire les textes vraiment phénoménologiques, il y avait le regretté Béni Lévi, qui ne brillait pas toujours par sa bonne foi, et qui était coutumé de certaines outrances interprétatives qui lui permettaient de dire au fond ce qu'il avait l'intention de dire de toute façon. Et puis d'autres qui ne sont pas forcément soucieux de ce nœud-là. Ce qui fait que je crains que Lévinas soit beaucoup moins lu dans la communauté juive qu'on ne dit. Je le constate... les gens sont très friands, mais enfin, ouvrons Lévinas et voyons comme c'est difficile. Enfin, il y a du Heidegger, du Husserl à toutes les pages. C'est extrêmement difficile. D'un autre côté, il me semble aussi que ceux qui lisent Lévinas, sans avoir l'arrière-plan juif, ne voient pas certaines choses qui sont absolument capitales et décisives dans le texte. Dans les moments de la proximité, dans le moment du féminin, par exemple, dans Totalité et Infini, ne pas voir qu'il s'agit du Shabbat, parce que c'est comme ça que le Shabbat est décrit, c'est comme ça sans doute que le Shabbat est vécu, c'est passer à côté de quelque chose. Mais sans doute pour des raisons institutionnelles aussi, Lévinas n'avait pas intérêt à en rajouter dans le caractère juif de son œuvre. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu se comprendre comme un israélite pas honteux, mais quand même un israélite, et non pas... non pas un juif pratiquant décomplexé qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi, ce que vous dites là, peut-être explique cette partie peu travaillée justement par le monde juif, explique peut-être aussi le retard qui a été mis à traduire Lévinas en hébreu, ouais. Et le peu d'empressement justement des intellectuels, je dirais pas communautaires, mais enfin disons des intellectuels juifs très, très, très affiliés, si je puis dire, à s'intéresser à Lévinas. Ah oui, il y a du... Et donc, ça a été dit, l'inauguration du chantier de traduction a fait l'objet de célébrations, mais en même temps, on sentait qu'il y avait une gêne, et qu'il y avait un nœud qui... Enfin, il y avait un non-dit qui était tonitruant. Parce que c'est une pensée extrêmement risquée. Extrêmement risquée. Mais là, vous mettez le doigt sur ce risque qui n'était jamais explicité, en fait. Oui, bien sûr. On sentait que quelque part, il y avait quelque chose d'un peu sulfureux chez Lévinas, mais qui n'était jamais véritablement dit par les milieux juifs. Et ça a éclaté au moment, notamment, de la publication des œuvres, où les uns et les autres disaient « Vous détournez le sens de l'œuvre, vous détournez le sens de l'œuvre. » Après ce qu'on vient de dire, à savoir le nombre de tours et détours que contient cette œuvre, vous détournez le sens de l'œuvre, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. C'est l'œuvre qui fait beaucoup de tours, en effet. Bien, bah écoutez, je crois que vous me révélez probablement un aspect de Lévinas qui n'est pas celui auquel on est. Et pourquoi avait-on manqué lors de la première vague ? Comment ? Pourquoi avait-on manqué Lévinas lors de la première vague ? Ce que j'appelle la première vague, c'est l'entrée dans le dictionnaire papier. Eh bien, son nom avait été prononcé parce que, vous savez, nous avons eu un séminaire qui a accompagné la fabrication du dictionnaire, donc en amont de la parution du dictionnaire papier. Et nous avions donc des discussions sur la constitution de la liste des entrées, notamment des listes nominales. Alors nous étions tombés d'accord sur un certain nombre de principes de ce qu'on excluait d'office. Mais pour inclure, c'était plus difficile. Le certificat d'entrée, le passeport était difficile à obtenir. Et lorsque le nom de Lévinas a été prononcé comme proposition, il y a eu pas mal de réserves. Et comme nous étions dans une assemblée très démocratique, c'était le lien aux sciences sociales. Et c'était le lien aux sciences sociales qui n'apparaissait pas évident. Et ça n'apparaissait pas évident. Alors qu'en réalité, et quand on vous entend, on peut se dire qu'une sociologie de la théologie, par exemple, ne peut absolument pas faire l'économie de l'entrée Lévinas. Et c'est d'autant plus intéressant, a posteriori, pour quelqu'un comme moi et comme Daniel également, qui sommes probablement ici parmi celles ou ceux qui avons lu, de par notre rôle dans ce dictionnaire, la totalité des entrées, de voir le nombre d'occurrences du nom de Lévinas dans le dictionnaire lui-même. Et c'est donc la raison pour laquelle, après coup, on se dit que finalement, là, on avait raté quelque chose. Et voilà donc la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Et puis, je pense que réellement, depuis, depuis la publication du dictionnaire papier, l'intérêt et la montée en puissance, au fond, de la question de la théologie, on le voit sur divers terrains, est beaucoup plus clair. Et je pense que au fur et à mesure que les grands efforts de la discipline pour s'arracher à la théologie deviennent maintenant des configurations historiques intéressantes à étudier, mais qui apparaissent très lointaines, du même coup, on peut reprendre la théologie comme objet des sciences sociales aussi. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer, en un sens. D'où l'intérêt de continuer à faire nos dictionnaires de façon dynamique. Voilà.